Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatto allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Jacques Dufilot lit l'histoire du chien de Brisquet de Charles Nodier et la housse partie, un fabliau du Moyen-Âge. Jacques Dufilot, vous avez choisi de nous lire deux textes. Alors, le premier texte est de Charles Nodier. Oui. Et ça s'appelle « Le chien de Brisquet ». Oui, je trouve qu'il est très beau. Enfin, normalement, quand on lit quelque chose comme ça, on a l'impression de manger quelque chose de succulent, ça. Ça a un côté paysan. Pour moi, la campagne, c'est tout. Je veux dire, tout ce qui touche à la campagne m'émeut. Tout ce qui peut me sortir de, pas sortir de la ville, mais tout ce qui peut toucher la nature, les animaux me plaît beaucoup. Je m'entends beaucoup mieux avec les animaux qu'avec certains êtres humains. Mais il a écrit d'autres choses qui sont très belles. George Sand disait que c'était... Enfin, qu'elle aimait beaucoup, mais j'aime beaucoup George Sand aussi. J'aurais pu lire des choses de George Sand, enfin, presque que tout le monde connaît. Bien sûr, La Mare au Diable ou Les Maîtres Sonneurs. Mais il y en a un qui s'appelle La Famille de Germandre, que presque personne ne connaît. C'est l'histoire d'un héritage. Mais George Sand arrive encore dans lire... Quand je suis à la campagne et quand je lis George Sand, ça me donne envie la nuit de me lever et de descendre dans la cuisine, d'aller manger du pain, du fromage ou du saucisson ou du thon, où je buvais du vin rouge, j'allais boire un verre de vin rouge, ça donne faim, George Sand pour moi. Quand vous étiez petit, vous habitiez à la campagne ? Quand j'étais petit, j'habitais à la campagne aussi, oui. Plus ou moins, enfin, c'était une toute petite ville, mais j'ai vécu très très souvent à la campagne. Entendu, avec des chiens qu'on entend, des aboiements de chiens ou des odeurs de foin ou des bruits des tables, oui, bien sûr. C'était dans quelle campagne ? C'était toujours dans le Gers. Et mon arrière-grand-père avait une ferme et deux grands-mères avaient une ferme et on allait dans cette ferme avec un cheval attelé à un break. Et on rentrait la nuit avec une lanterne allumée. Et j'ai une photo d'un de ces départs en vacances. Enfin, en vacances, c'était à 18 kilomètres. Il fallait presque une bonne partie de la journée pour y aller. Mais le bruit du cheval qui marche sur la route, qui n'était pas goudronnée, et puis le bruit des roues sur des bandages de métal, sur le gravier, c'est très particulier. Et puis, en plein jour, on voit des mouches qui se posent sur la croupe du cheval et qui restent maintenant sur le capot d'une voiture. Ça ne se fait plus quelquefois sur les tracteurs. Les mouches ont la possibilité de rester, mais le tracteur va trop vite. Elles ne peuvent pas, il y a trop de trépidation. Tandis que sur le cheval, on voit toutes sortes de choses. On se demande, est-ce qu'il va pouvoir arriver à monter la côte comme ça ? On le voit peiner tellement. Ces livres, George Sand, Charles Nodier, où est-ce que vous les trouviez ? Ils étaient chez moi. J'en avais chez moi beaucoup. George Sand, on apprend, enfin au lycée en tout cas, on apprenait, je pense dès la sixième, cinquième, on apprenait on lisait George Sand, on lisait des extraits, en tout cas on la connaissait. Mais avant, évidemment, j'ai été à des petites écoles, bien sûr, j'ai été un peu à l'école communale pendant 2 ans. Alors là, on avait la possibilité d'apprendre de l'histoire de France et des choses comme ça, des choses dont on se rappelle. C'est peu, 2 ans à l'école communale. Non, c'est peu, oui. Non, mais après, je suis allé au lycée très tôt, oui. Vous étiez un enfant précoce ? J'étais peut-être pas très précoce, mais c'est mon père qui avait des idées précoces pour moi et qui s'est trompé. Lui était allé au lycée très jeune et ça pouvait marcher. Non, j'ai été dans des petites classes avant l'école communale, mais c'était dans une classe encore beaucoup plus petite où on apprenait à lire avec... c'était une maîtresse d'école, il y avait une aiguille à tricoter... et pour j'avais une aiguille à tricoter pour montrer les lettres. On apprenait P-E-P-O-P-O, et je me souviens, alors po, po-i-re, po-i-re, non, on dit poire. Ah bon, po-i-re, mais j'ai appris à... comme tout le monde. Mais maintenant, on apprend d'une autre manière. Ma fille savait lire à 4 ans, enfin, parce que c'est facile quand on a une méthode dite normale. Maintenant, on apprend à faire des sons, des onomatopées, mais on ne sait pas du tout ce qu'on lit, on ne sait pas lire, quoi. On apprend à lire beaucoup plus tard, mais il vaut mieux ne pas savoir lire. S'il y avait des livres chez vous, c'est que vos parents lisaient aussi? Oui, mes parents lisaient, mais il y en avait chez mes grands-mères pendant les vacances, et il y en avait aussi dans ma famille, oui. Mais nous, on en avait pas mal. J'avais la chance d'avoir une sœur aînée de 5 ans, mon frère avait 2 ans de plus que moi. Alors j'avais un grand choix de lecture. Je cherchais ce qui m'attirait. Par paresse, j'aurais lu, je ne sais pas, le Tarif Album de la Manufacture Française d'Art Mécanique de Saint-Étienne. Je ne suis pas le seul à en parler. Roger Blin en parlait souvent. Couteau dit de chasseur. C'est merveilleux, ça fait rêver. Ou couteau dit de pêcheur. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient passionnantes dans le Tarif Album. Ça donnait envie de connaître la chasse, et puis il y avait des photos de chiens aussi, toutes les races de chiens, c'est très important. Votre père était un chasseur pour recevoir cet album? Pas du tout, enfin il avait chassé autrefois, mais il était pharmacien au début de sa vie, et puis après il a été directeur technique d'une usine de produits pharmaceutiques et chimiques. C'est pour ça que je suis né à Bègles, dans la banlieue de Bordeaux. On avait un grand jardin, et dans ce grand jardin, j'avais 3 ans et demi quand les Américains sont arrivés en 1917. Je suis né en février 1914. Et je me souviens des Américains qui campaient dans notre jardin et qui m'ont donné du chewing gum qui existait. Et puis des boîtes de confiture qui étaient dans les boîtes en fer. C'était délicieux. Mais j'avais encore une robe. Parce qu'à ce moment-là, les enfants étaient habillés comme des filles. Ils avaient une petite robe jusqu'à l'âge de 4 ans à peu près. Voilà. En notre forêt de Lyons, vers le hameau de la Goupillière, tout près d'un grand puits fontaine qui appartient à la chapelle Saint-Mathurin, il y avait un bonhomme, bûcheron de son état, qui s'appelait Brisquet, ou autrement, le fendeur à la bonne hache. Il vivait pauvrement du produit de ses fagots avec sa femme, qui s'appelait Brisquette. Le bon Dieu leur avait donné 2 jolis petits-enfants, un garçon de 7 ans qui était brun et qui s'appelait Biscottin, et une blondine de 6 ans qui s'appelait Biscottine. Outre cela, ils avaient un chien bâtard à poils frisés, noir partout le corps, si ce n'est au museau qu'il avait couleur de feu, et c'était bien le meilleur chien du pays pour son attachement à ses maîtres. On l'appelait la Bichonne, parce que c'était une chienne. Vous vous souvenez du temps où il vint tant de loups dans la forêt de Lyons? C'était dans l'année des grandes neiges que les pauvres gens eurent si grand-peine à vivre. Ce fut une terrible désolation dans le pays. Brisquet, qui allait toujours à sa besogne et qui ne craignait pas les loups à cause de sa bonne hache, dit un matin à Brisquette: « Femme, je vous prie de ne laisser courir ni Biscottin ni Biscottine tant que monsieur le grand louvetier ne sera pas venu. Il y aurait du danger pour eux. Ils ont assez de quoi marcher entre la butte et l'étang, depuis que j'ai planté des piquets le long de l'étang pour les préserver d'accidents. Je vous prie aussi, Brisquette, de ne point laisser sortir la Bichonne qui ne demande qu'à trotter. » Brisquette disait tous les matins la même chose à Brisquette. Un soir, il n'arriva pas à l'heure ordinaire. Brisquette venait sur le pas de la porte, rentrait, ressortait, et disait en se croisant les mains: « Mon Dieu, qu'il est attardé !» Et puis, elle sortait encore en criant: « Eh, Brisquette !» Et la Bichonne lui sautait jusqu'aux épaules, comme pour lui dire « N'irai-je pas ?»« Paix, lui dit Brisquette, écoute, Biscottine, va jusque deux vers la butte pour savoir si ton père ne revient pas. Et toi, Biscottin, suis le chemin au long de l'étang en prenant bien garde s'il n'y a pas de piquet qui manque. Et crie fort,

Puis avant de monter, l'hiver, on remplissait les bouillottes et on disait, tout le monde se tait, et mon père remplissait les bouillottes et ça faisait jusqu'au bout pour qu'on sache où ça s'arrête, pour que ça ne déborde pas. C'était passionnant. Ou alors, quelquefois, on avait un droit à des cailloux chauds, qui étaient des cailloux du Gave qu'on mettait dans une vieille chaussette. Et vos parents vous laissaient lire la nuit ? Oh, mes parents me laissaient lire la nuit, oui, c'était un privilège. Mais quand il y en a trois à surveiller, c'est difficile de surveiller les trois. Enfin, c'est plus facile quand on est couvé, enfin, quand on a... Oui, on dit éteint, c'est tout ce qu'on peut dire, mais l'enfant, c'est tellement beau. Même, je dirais, la flamme d'une bougie qui commence à se coucher, à gonir, et qui agonise comme ça, et puis qui s'éteint, là, on est obligé, évidemment. Mais enfin, on voit bien, après, on voit bien que la bougie est fini, mais non, ça on avait le droit, et quelquefois, enfin on était obligé de se lever très tôt le matin, parce que mon frère et moi, on allait très tôt à des messes le matin, conservées pendant les vacances. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier livre ? Mon tout premier livre, je ne crois pas, non, alors là, non, vous me prenez au dépourvu, je ne crois pas, non, je ne crois pas. Et quand vous remontez très loin, quel est donc le premier auquel vous pensez ? Ah, quand je remonte très loin, il y avait un petit livre qu'avait reçu mon frère qui s'appelait Le petit tambour de Saragosse. C'était l'histoire d'un enfant d'un enfant de troupe de Napoléon Ier, et la ville de Saragosse était assiégée par les Français, et cet enfant condamné à mort, et puis une Espagnole disait, je me souviens de la phrase, pendre un enfant de cet âge, n'est-ce pas une abomination ? Et il était sauvé, et il était avec le sacristain, il vivait dans le clocher de l'église, et il s'occupait à sonner les cloches. Et puis un jour, on lui a laissé la vie sauve, parce qu'il savait, il avait été ça, un petit pyrénéen, il connaissait les bœufs et les vaches, les taureaux, je l'imagine que non, mais enfin on l'a fait taurer, hein. Un taureau, il l'a tué, le taureau, il a eu la vie sauve. Voilà. Ça, c'était une histoire passionnante. Vous vous en souvenez très bien. Je m'en souviens très bien, oui. Oh, oui. Vous avez donc choisi un deuxième texte, qui est un texte du Moyen-Âge. Oui, le Moyen-Âge, dès que j'ai pu, ça c'était en sixième, les extraits du Moyen-Âge, il y a Isengrin, il y a Le Goupil, il y a des quantités d'histoires qui sont passionnantes, il y a toutes les pêches autour des couvents, et puis la chanson de Roland aussi, et puis tous les fabliaux, tout ce qui se jouait devant les marches des cathédrales, enfin devant les entrées. C'était le début du théâtre, mais c'était très beau aussi. Mais également les mémoires de Froissart, de Joinville, Villehardouin, de tous les gens qui ont... Plus tard, alors j'ai beaucoup apprécié aussi Montluc, la cruauté de Montluc, le siège de Rabastin, ce qui est tout à côté de chez moi. Alors ça me touchait un peu les protestants, la guerre des protestants et des catholiques, c'était d'une cruauté, d'une méchanceté. Ils se tuaient entre eux, c'était effrayant, c'était un carnage. Jamais on n'oserait décrire de ce qui s'était passé comme le décrit Montluc à ce moment-là. Cette histoire, c'est l'histoire d'un petit-fils avec son grand-père. L'histoire d'un petit-fils avec son grand-père. Il y a plusieurs versions de cette histoire, mais j'aime mieux l'histoire de la couverture, de la housse partie. Parce qu'il y a l'histoire également avec, on la raconte, enfin, dans les toutes petites classes aussi, il y a toujours l'histoire avec le grand-père, mais on dit au grand-père, on va te donner une cuillère en bois, et des couverts en bois. Tu n'as pas droit à l'argenterie maintenant. Alors c'est l'enfant qui dit, mais moi je vais en donner. Il en garde une pour son grand-père, pour son père quand il sera vieux lui aussi. Voilà. C'est une autre version, mais c'est le même thème. C'est un petit garçon très malicieux et très intelligent. Très malicieux, intelligent, mais surtout qui aime beaucoup son grand-père, vraisemblablement. Parce que le grand-père doit lui raconter des histoires. Voilà comment j'imagine la chose. C'est pour ça que ça me plaît, j'imagine un décor autour. La housse partit. Le prud'homme était devenu très vieux. Vieillesse l'avait à tel point abattu qu'il lui fallait s'appuyer sur un bâton. Son fils eût été volontiers chercher le linceul pour l'ensevelir. Il avait hâte de le voir en terre, et sa vie lui était à charge. La dame aussi s'en ennuyait. Elle était fière et orgueilleuse. Elle dédaignait le prud'homme et le supportait à contre-cœur. À nul prix, elle n'eût pu se retenir de dire à son mari « Sire, je vous en prie, de grâce, congédiez votre père, car, par la foi que je dois à ma mère, je ne mangerai plus tant que je le verrai séant. Je veux que vous lui donniez congé. » « Dame, dit-il, je le ferai. » Et le mari qui craint et redoute sa femme s'en vient tout de suite vers son père et lui dit en hâte « Père, père, allez-vous-en, on n'a que faire ici de votre présence. Allez chercher votre vie ailleurs. On vous a nourri dans cette maison 12 ans et plus. Allez, faites vite, levez-vous. Allez où vous voudrez, maintenant il le faut. » Le vieillard l'entend et pleure cruellement. Il maudit le jour et l'heure. Pourquoi est-il resté si longtemps au monde ? Ah, beau doux fils, que me dis-tu ? Je t'en prie, laisse-moi au moins à ta porte. Je ne tiendrai pas grand place. Je ne te demande même pas feu, courte pointe ni tapis, mais là, sous cet appentis, fais-moi donner un peu de paille. Ne me jette pas hors de la maison. Peu m'importe qu'on me mette là dehors, mais qu'on me donne de quoi manger. Pour le peu qui me reste à vivre, tu n'aurais pas dû me manquer ainsi. Ne peux-tu pas mieux racheter tous tes péchés en me faisant du bien que si tu te revêtais de la haine ? Beau-père, dit le bachelier, rien ne sert de t'en causer, mais faites vite, allez-vous-en. Sans quoi, ma femme deviendra folle. Beau fils, où veux-tu que j'aille ? Je n'ai pas un sou vaillant. Vous irez dans cette ville. Il y a là au moins 10 000 hommes qui trouvent bien leur vie. Ce serait grand malchance si vous n'y trouviez point nourriture. Il y a bien des gens qui vous reconnaîtront et qui vous hébergeront. M'héberger, beau fils, mais qui m'hébergera quand tu me fermes ta maison ? Puisque toi, tu agis mal envers moi, ceux qui ne me sont rien agiront plus mal encore. Toi qui es mon fils, tu me manques bien. Que sera-ce des autres ? Père, je n'y peux rien. Je prends sur moi toute la faute, mais vous ne savez pas si je fais ce que je veux. Le père a telle douleur que peu s'en faut que le cœur ne lui crève. Tout faible qu'il est, il se lève et sort de la maison en pleurant. « Fils, dit-il, je te recommande à Dieu, puisque tu veux que je m'en aille. Pour Dieu, donne-moi un morceau de couverture. Ce n'est pas chose bien chère, et je ne puis souffrir le froid. Je te le demande pour me couvrir, car j'ai robe trop peu fournie, et le froid, plus que tout, me tue. » Et le fils qui répugne à donner répond « Père, je n'en ai point à vous donner, et vous n'en aurez point, à moins qu'on ne me pille ou vole. » « Beau doux fils, tout le cœur me tremble, je redoute tant la froidure. Donne-moi au moins une des couvertures dont tu couvres ton cheval, pour que le froid ne me fasse point de mal. » Et le jeune homme qui veut s'en débarrasser voit bien qu'il n'en peut être quitte, s'il ne lui donne quelque chose, et pour le faire s'en aller, il commande à son fils de donner la couverture au vieillard. À l'appel de son père, l'enfant accourt. « Qu'y a-t-il pour votre plaisir ? Dit-il. « Beau fils, je te commande, si tu trouves l'étable ouverte, de donner à mon père une couverture du cheval noir. Il s'en fera, s'il veut, manteau, chape ou couverture. Donne-lui la meilleure de toutes. » L'enfant, qui avait beaucoup de sens, dit « Venez, beau grand-père. » Le prud'homme le suit, tout chagrin et plein de tristesse. L'enfant trouve la couverture. Il prend la meilleure et la plus neuve, la plus longue et la plus large. Il la plie par le milieu et la coupe en deux avec son couteau, du mieux qu'il peut. Puis, il en donne la moitié à son aïeul. « Beau fils, dit le vieillard, mais qu'en ferais-je ? Pourquoi me l'as-tu coupé ? Ton père me l'avait donné. » « Vraiment, tu as fait grande cruauté, car ton père avait ordonné que je l'eusse en entier. » « Je vais le lui dire. » « Faites ce que vous voudrez, dit l'enfant, vous n'aurez rien de plus de moi. » Le prud'homme sortit de l'écurie. « Fils, dit-il, ton enfant se moque de tes ordres ? Tu ne châties donc pas ton fils, qu'il ne te redoute ni ne te craint. Vois, il a gardé la moitié de la couverture. » Dieu te donne malchance, dit le père. Donne-la lui toute. Non pas, dit l'enfant. Que me resterait-il pour vous? Je vous en garde la moitié, et vous n'aurez rien de plus de moi. Si j'arrive au point où vous êtes, je vous renverrai comme vous l'avez renvoyé. Je veux avoir votre argent comme vous avez eu le sien. Mais de moi, vous n'emporterez pas plus que lui de vous. Et si vous le laissez mourir misérable, j'en ferai autant pour vous, si je vis. Le père l'entend. Il soupire profondément. Il réfléchit et rentre en lui-même. Il tire grande leçon des paroles de l'enfant. Il se tourne vers son père. « Père, dit-il, revenez. C'est l'ennemi et le péché qui m'ont séduit. Mais s'il plaît à Dieu, cela ne sera pas. Je vous fais maître et seigneur de ma maison pour toujours. Si ma femme ne veut pas la paix et ne veut pas vous souffrir, je m'arrangerai pour vous loger et pour vous bien servir ailleurs. » Et vous serez bien pourvu de courtes pointes et d'oreillers. Et je vous le dis, par Saint Martin, je ne boirai jamais de vin, ni ne mangerai de bons morceaux, que vous ne soyez mieux servi encore. Vous aurez chambre particulière, bon feu dans la cheminée, et bons vêtements. Vous avez été de bonne foi avec moi, beau doux père, et c'est à vous que je dois tout mon avoir. Première lecture, lecture d'enfance. L'histoire du chien de Brisquet de Charles Nodier et La housse partie, un fabliau du Moyen-Âge par Jacques Dufilot. Bernard Charron, Laurent Lucas, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en onde par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.